d'état d'âme au quartier, si tu trahis, ça te nique ta grimpe. Y'a plus d'état d'âme au quartier, si tu trahis, ça te nique ta grimpe. J'suis en fumette comme dans Hawaii. J'ai pas le time, baby, faut fly. Oh my no cry. Que t'inventes, tu vises ta vie, elle est fausse. Tu fais le mec et d'autres, c'est pas conduire un cross. Tu fais le mec plein, il est faux ton boss. Tu fais pas le grossiste quand tu tombes sur un os. Oui, j'fais du cash, crois en évitant les cash. Toi, tiens la sacoche, casse-toi. Évite le CV, casse-toi. Il pleut des balles, vache-toi. Oui, tu prends la mâche, toi. Oui, on se connaît bien, mais attention si tu me clashes, toi. Trop bandit, on a tout ce qu'on mérite. Faut rester fort, mais parfois si rude. Ce n'est pas ma faute si on s'évite. Si on se calcule plus depuis que t'es en cellule. Ça sort la calage pour un oui, pour un non. Parce qu'il va que t'es fait ou que t'as donné un an. Un jour ou l'autre, il tombe le masque et nous pendant tous dans toi pour nez pour un mort. Et m'envoler, on dormir sous les étoiles. Et désolé, d'avance si je mets les voiles. C'est m'envoler, on dormir sous les étoiles. Et désolé, d'avance si je mets les voiles. Eh ouais, poto, on te connaît. Pour tirer sur là, tu mets de la mâchonnée. Eh oui, faut te cramponner. Attention, si devant chez toi, t'as un kangou en train de stationner. J'fais le tour de ma ville avec les vitentes. J'prends des mises, prends des muscles, c'est fait que les feintes. Mes potes autour de moi veulent finir blendé. Cagoulé, prêt à se faire le fourgon blendé. Arrête de croire que t'es un gang, mino. Au code de tes potes, pour toi, un sentiment. J'parcours le rap comme Valentino. Et qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Laisse-moi, j'suis pas prêt, j'refuse les interviews. J'fais même pas la promo de mon CD. Même mes problèmes faut que succéder. Le quartier change trop, c'est plus que c'était. Et m'envoler, on dormir sous les étoiles. Et désolé d'avance si je mets les voiles. Y'a plus d'état d'âme au quartier, si tu trahis, ça te nique ta grimpe. Y'a plus d'état d'âme au quartier, si tu trahis, ça te nique ta grimpe. Même l'arme à l'œil, je refuse pas un selfie. J'éteins droit, tu draves une selfie. T'es bonne, mais moi, je te veux qu'une seule nuit. Je profite parce qu'on a qu'une seule vie. Et c'est ce que toi la haine et la paresse. Bébé, ça me fait pleurer quand tu me caresses. Tant demain je meurs, tant demain tout s'arrête. Pas envie de partir d'ici comme Paul Naref. Je m'en rappe, mon putain, ma canette. Ce que je vis, putain, c'est pas net. Je vis tout, je lâche tout, je vous baise à tous. On nettoie pas l'erreur avec des larmes factices. Tout déçu par l'amour, alors on craque tous. Depuis, j'ai le cœur piquant comme un cactus. Ramène ta mise, pour moi je l'agace. Ramène ta mise, pour moi je l'agace. Ramène ta mise, pour moi je l'agace. Je lui insulte sa mère si elle m'agace. Je me la pète pas, moi je fais pas le boss. Elle fait la gosse, elle va boire la tasse. Accroché au rien, le rap c'est ma cause. Bonne de pétasse, oh, oh. C'est m'envoler, on dormir sous les étoiles. Et désolé d'avance si je mets les voiles. C'est m'envoler, on dormir sous les étoiles. Et désolé d'avance si je mets les voiles. Y'a plus d'état d'âme au quartier, si tu trahis, ça te nique ta grimpe. Y'a plus d'état d'âme au quartier, si tu trahis, ça te nique ta grimpe. Y'a plus d'état d'âme au quartier, si tu trahis, ça te nique ta grimpe. Y'a plus d'état d'âme au quartier, si tu trahis, ça te nique ta grimpe.